Let's go. J'suis busy busy, j'ai 9 milli milli. De midi à minuit, veni vendant du shit. J'suis busy busy, j'ai 9 milli milli. De midi à minuit, veni vendant du shit. J'fais juste un débrief, guette la violence des sévices. Les petits sont trop vifs, faut que je reprenne du service. Les gangs, les gros convois du 9-3, c'est Béris. J'suis frère fait, t'as le boule qui chauffe comme Daenerys. Tu m'as vu fourrer dans le bloc, tu m'as vu tourner dans la loque. Bonbonne cachée dans le froc, juste à côté du Glock. Respect, tu fais du Nesby, si tu nous dois, tu as pas nouvel ski. Je les pull up dans la Lambo, remerciez-moi pour les travaux. Dans le cerveau, le dernier Rambo, portrait robot, place Bovo. Le diable est dans les détails, alors pourquoi Pablo vendait en gros? Caligula, machette pour la quête plat. Méga Kishta, dans la cachette, t'inquiète pas. Viens dans la cabine, je vais t'apprendre à poser. Viens dans le bat, je vais t'apprendre à bosser. Y'a du pif, tu kiffes malgré que ma gueule soit cabossée. La mienne, elle vient du riff, origine contrôlée, AOC. Pimpon, pimpon, tu t'es fait arroser. Sur la table, Dom Pérignon, champagne rosé. Une goutte de sang pèse plus lourd qu'un lingot d'or. Je fais rentrer pendant que vous ragez la putain de vos morts. J'enclenche le speed, shift le shit et dans le speedboat. Celui qui court le moins vite paye pour les autres. J'suis busy busy, j'ai 9 milli milli. De midi à minuit, veni vendant du shit. J'suis busy busy, j'ai 9 milli milli. De midi à minuit, veni vendant du shit. J'fais juste un débrief, guette la violence des sévices. Les petits sont trop vifs, faut que je reprenne du service. Les gangs, les gros convois du 9-3, c'est Béris. J'suis frère fait, t'as le boule qui chauffe comme Daenerys. Dans l'aquarium, y'a que des requins. Ça fume de la drogue douce, la dure c'est pour les putains. Sale folle les cartes, que j'mette mon scrutin. Tu peux pas piloter mon vaisseau, c'est pour les vulcains. Cherche pas à plaire, cherche à te faire. Appelle-moi frère quand t'auras ralasse mes affaires. On fait rentrer que 500k quand c'est la merde. Des paillettes sur mes loulous, j'ai que ça à perdre. Je viens, j'prends les yébis, j'reste pas, j'ai trop la secla. Y'a que des mythos qui s'inventent des vies et des seuscras. Y'a que celle qui t'a connu en chien qui t'aimera. Un vrai poteau te fait pas la guerre pour des meugras. On met le doigt, on met le coude, on met le bras. On émécra le TH et baise le neukra. J'ai retenu qu'une chose ici, bah faut une cala. Et que Simba a baisé Nala. J'suis busy busy, j'ai 9 milli milli. De midi à minuit, veni vendant du shit. J'suis busy busy, j'ai 9 milli milli. De midi à minuit, veni vendant du shit. J'fais juste un débrief, guette la violence des sévices. Les petits sont trop vifs, faut que je reprenne du service. Les gangs, les gros convois du 9-3, c'est Béris. J'suis frère fait, t'as le boule qui chauffe comme Daenerys.